L'artiste et la muse. Faire l'amour est un art qu'avec toi je conjugue, éclairant de mon phare ta beauté qui me subjugue, te traversant de part en part pour de douces et folles fugues. Mes baisers sont des chansons qui te donnent le frisson et gravent comme un air de fête en ton corps, ton cœur, ta tête. Mes coups de verge sont des poèmes qui en ton ventre disent je t'aime et te soulève avec l'âme et l'ardeur de tous les battements de mon cœur. Le vent souple de mes hanches danse la ronde de tes fesses et donne toutes ses promesses quand sur toi je me penche. Le pinceau, qu'en toi je trempe, peint sur ta vulve des fièvres soulignant le dessin de tes lèvres et de la fière cambrure de ma hampe. Te faire l'amour est un art, où libre je m'exprime et m'amuse. Tu t'offres si bien, parfaite muse, source de feu et doux nectar, qu'il n'est besoin d'aucune ruse pour qu'en nous le jouir fuse. Ô ma féline manouche, quand mes dents se font mouches, quand tu te tords et exultes, il me semble que je sculpte dans l'or fragile de ta peau tout l'art du plaisir et du beau.